Là, c'est l'Apple, c'est le géant de Kerckebranche. Donc, l'Apple, c'est la. Bon, Apple, c'est pas. Bon, quand on dit les Apple, c'est pas toujours très, très, très, très sympathique. Donc, les Apple, via l'origine, c'est le bidon. Le Apple d'abord, c'est le bidon qu'elle a dans la poche. Et qui contient du café ou bien on va dire, du thé. Donc l'Apple, elle travaille à la filature. Donc il y a une chanson aussi très célèbre. Elle travaille à la filature, à la fabrique de chez Chapeau. Elle mangeait des tartines confiture avec Apple de cacao. Et quand elle a été bien sage, elle a le droit de pousser un petit cœur à une demi-livre de Beltecase pour manger avec son 4 heures. À une demi-livre de Beltecase pour manger avec son 4 heures. Un coup qu'elle a été en retard et que la porte elle était fermée, elle a été sur le rempart et c'est là qu'elle a déjeuné. Elle a versé son peul d'avoir sur ses tartines de raisinée. Elle a langui jusqu'au soir, toute la journée à la chaulée. Elle a langui jusqu'au soir, toute la journée à la drivée. Alors, la fabrique de chez Chapeau, c'était l'une des nombreuses filatures qui existaient à Dunkerque. Elle se trouvait en basse ville. La tour Victor Hugo, qui est en plein chantier on va dire, d'isolation, là, de bardage, la tour Victor Hugo est construite en partie sur cette fameuse fabrique de chez Chapeau. Donc, c'était une filature. Et Chapeau, c'était le directeur. C'était le tissage Veil. Et Monsieur Chapeau, ben, parce que c'était le directeur qui portait un chapeau. Donc, la filature de chez Chapeau, Monsieur Chapeau. Donc, le peul, c'est son bidon. Les tartines de raisinée, ben, c'était une espèce de confiture. On mettait ça sur des tartines de pain, comme on disait. Avec ou sans beurre. Enfin, c'était surtout de la margarine. Hein. Le beurre, c'était pour les grands jours. Et donc, c'est sûr que si elle était en retard, la porte était fermée. Donc, là, elle perdait sa journée. Donc là, bien sûr, elle avait, une fois rentrée chez elle, il fallait qu'elle explique ça à ses parents, qu'elle avait perdu sa journée parce qu'elle était arrivée en retard. Et il y avait les fortifications qui passaient à proximité. Bon, le canal exutoire a été creusé sur la. Il suit le tracé des fortifications, puisque au départ, c'était un simple fossé défensif. Et quand les fortifications ont été détruites au début des années 30, puisque la Dunkerque a été déclassée. A été déclassé donc après la Première Guerre mondiale. Donc les fortifications, on les a rasées et on a donc creusé ce canal exécutoire, comme on dit à Dunkerque, hein, qui recueille tous les eaux de l'intérieur, les watergangs, hein, c'est ce qu'on appelle le système des wateringues, et qui les rejette à la mer par l'écluse Tixier.